to get our share of this world's delight. High hopes we had for the future and our goals in sight. We know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule. Have faith in you and the things you do. Disco, vous venez d'écouter les Sister Sledge sur France Bleu Alsace. Et puis vous savez, tout au long de l'été, eh bien Radio Disco continue comme ça de vous donner bien des histoires, des anecdotes absolument incroyables. Et demain, on va apprendre celle qui a concerné Michael Jackson, oui, qui a un peu abusé quand même, notamment avec un des titres de Manu Dibango, celui de Soul Mokassa. On verra ça demain. Et si vous voulez réécouter Radio Disco, eh bien ça se passe sur l'application ici. Dans un instant, je vais vous donner quelques idées de sortie, parce que qui dit été dit fête foraine. Et il y en a deux belles en ce moment. Je vous donne ça juste après. Amir, voici J'ai cherché sur France Bleu. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dans mes là, qui dans Amir, c'était J'ai cherché sur France Bleu Alsace. Et je vous l'annonce, comme à chaque journée, on vous donne des idées de sortie pour l'été, pour profiter en famille avec les enfants, avec vos amis, en amoureux. Et là, eh bien l'été, vous le savez, c'est la fête foraine qui règne un peu partout en Alsace. Alors celle de Strasbourg, c'est terminé. Alors maintenant, où est-ce qu'on va? On a vu qu'il y avait celle de Mulhouse en ce moment, mais il n'y a pas que. Si vous êtes par exemple du côté de Célestat, eh bien il y a la fête foraine qui est installée jusqu'au 19 août. Ça vous laisse encore une dizaine de jours pour en profiter. C'est en plein cœur de la ville, ambiance estivale, et vous allez retrouver notamment bien les manèges, les attractions préférées comme les autos tamponneuses, des jeux d'adresse, des grandes roues, des manèges pour les enfants qui vont vous attendre sur place du lundi au dimanche à partir de 14h, et vous pourrez y passer toute la journée jusqu'à 23h, excepté le samedi parce que vous allez pouvoir y rester jusqu'à minuit. Tout ça, ça se passe sur le parking Vauban qui est de Lille. Également à Masvaux, Niederbruck, vous avez la fête foraine estivale, c'est à côté de Tann, où vous avez l'accoutumée de retrouver de nombreux manèges pour tous les âges qui seront présents. Elle est un petit plus petite que celle de Célestat, mais elle est très sympathique. C'est tous les soirs de 18h à 23h. Et lors de la soirée de clôture du 14 août, vous pourrez même y voir un feu d'artifice. Et oui, voilà, tout ça, ce sont l'agenda. France Bleu Alsace est toujours sur le coup et vous tient au courant de tout ce qui se passe dans la région en temps et en heure. Chaque soir de l'été, la meilleure musique en français dans le texte. France Bleu Blanc Hit. Les plus grands hits de la chanson française sont sur France Bleu. France Bleu Blanc Hit. France Bleu Blanc Hit. Tous les soirs, tout l'été sur France Bleu, 20h-22h. France Bleu. Dans le monde, des enfants meurent de faim. Hélène a été sauvée grâce aux équipes d'Action contre la faim dans une région où sa maman n'a pas accès à l'eau potable et où il n'y a rien à manger. Pour les aider, mon papy a décidé de leur donner une partie de son héritage. Je suis fière de mon papy. Est-ce que vous le saviez? Action contre la faim peut devenir votre héritier. Pour un monde sans faim, pensez à la transmission en faveur de notre association. Vos volontés seront respectées. Demandez la brochure sur les legs et assurances vie sur actioncontrelafaim.org. Cet été, reconnectez-vous à l'essentiel au parc animalier de Sainte-Croix. Au cœur de 120 hectares de nature préservée, plusieurs sentiers de découverte vous emmènent à la rencontre de 1500 animaux sauvages vivant en semi-liberté. Et pour prolonger l'expérience, vous pourrez dormir dans un lodge nature face aux animaux. À Rhodes, en Moselle, à 1h de Metz, Nancy et Strasbourg. Plus d'informations sur parc-sainte-croix.com. À 19h, toute la semaine, toute l'actu musicale est sur France Bleu, dans Décibels. Je pensais à vous, justement. Johan Rock. Dans Décibels l'été, chaque soir de la semaine, France Bleu vous emmène sur la route des festivals et de toutes ces manifestations qui auront lieu tout près de chez vous. Des bons plans pour se divertir malin et si possible pas cher, avec en studio à mes côtés les artistes qui font l'actualité de cet été. Décibels, seulement sur France Bleu, chaque soir, dès 19h. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Alsace. Et merci à vous d'écouter France Bleu Alsace en ce mercredi 9 août, il est 18h. Le journal tout de suite présenté par Paola Guzzo. 11 corps retrouvés dans les décombres du gîte qui a pris feu à Winsenheim dans le Haut-Rhin. Ce matin à 6h30, un incendie s'est déclaré dans ce gîte privé loué par des associations qui s'occupent de personnes adultes handicapées. C'est la propriétaire du gîte, réveillée par les cris, qui a donné l'alerte. Elle a même tenté de sauver elle-même des occupants. Les pompiers sont arrivés moins d'un quart d'heure plus tard, mais le bâtiment s'était complètement embrasé. 17 personnes ont pu être secourues, 11 autres sont décédées, Patrick Janton. Oui, les recherches ont été très longues, effectivement, depuis ce matin pour retrouver les corps des 11 personnes très tôt déclarées disparues. Toutes se trouvaient dans une mezzanine ou à l'étage du gîte. 17 personnes, vous l'avez dit, ont pu s'échapper dès l'alerte donnée pour la plupart des gens hébergés au rez-de-chaussée. Ce grand gîte, un établissement privé, est une ancienne grange à foin entièrement réhabilitée il y a quelques années. Une vieille bâtisse alsacienne faite de nombreux colombages et de murs en torchis. Le toit s'est effondré rapidement. Les secours arrivés 14 minutes après le déclenchement de l'alerte n'ont rien pu faire pour les victimes, tant l'incendie était alors déjà puissant et dévastateur. Selon les pompiers, le feu aurait pu couver déjà une bonne partie de la nuit avant de prendre toute sa vigueur. Les corps des victimes, de jeunes adultes atteints de handicap et un de leurs accompagnateurs, seront maintenant autopsiés à Strasbourg. L'enquête est confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Strasbourg. Parmi les premières interrogations, le nombre total de personnes qui séjournaient en ces lieux. L'établissement était a priori prévu pour une quinzaine de couchages et les deux groupes qui l'occupaient étaient manifestement beaucoup plus nombreux. Et puis, dernier détail, la propriétaire du gîte est sous le choc. Elle demeurait dans une maison voisine. Elle a été évacuée dès ce matin avec les rescapés. À 7h, elle n'a toujours pas été entendue par les enquêteurs. On ne connaît pas encore l'origine de l'incendie, mais ce qu'a précisé donc la vice-procureure de Colmar, c'est que le feu a couvé bien avant 6h30 du matin. Nathalie Kielwasser, vice-procureure de la République de Colmar. On ne peut encore évidemment pas déterminer les causes de ce feu couvant, mais au regard de l'embrasement de ce bâtiment, qui, comme vous l'avez vu, est en partie en colombage, c'est du bois qui a effectivement dû mettre quelques heures avant de réellement s'embraser, ce qui est pour aujourd'hui en tout cas une certitude sur le feu qui couvre. Alors on sait que effectivement c'est le deuxième étage, les gens qui étaient à l'étage qui ont eu des difficultés pour sortir, c'est là que les principaux corps ont été retrouvés. Une autre certitude, c'est que malheureusement, on ne pourra pas entendre, pour le moment en tout cas, de témoins de cette affaire. Donc, on ne sait pas exactement quelles sont effectivement les raisons pour lesquelles ils ont été piégés par ces flammes. Donc, j'insiste, le feu a couvert. L'émotion est énorme dans la ville, selon le premier adjoint au maire, Daniel Leroy. Le bâtiment était connu et ne présentait pas du tout de failles de sécurité. C'est quelque chose qu'on voudrait ne jamais connaître et ne jamais voir. Oui. C'est voilà, quand on a un lieu qui est d'habitude dédié au plaisir, au bonheur, et qui se transforme en enfer, c'est affreux. Oui. Alors c'est un bâtiment qui servait de gîte privé, oui, qui était un ancien bâtiment remis complètement aux normes, retapé totalement, et qui était très bien perçu, très bien conçu, avec lequel on n'avait jamais de problème. Oui. Et pas de problème de sécurité, une commission était passée sans doute. Oui, tout à fait, il y a toujours eu toutes les commissions nécessaires, et il n'y avait pas de problème de sécurité détecté, donc on ne sait absolument pas de où peut provenir l'incendie. Il y a une brigade qui est là pour faire l'enquête et il faut lui laisser le temps de travailler. Selon la vice-procureure de Colmar, les corps extraits des décombres seront envoyés à Strasbourg ce soir pour qu'ils soient identifiés. Suivez les informations en direct sur notre site internet francebleualsace.fr. À Lingolsheim, un homme est mort percuté par un train en début d'après-midi. Le conducteur du train et un témoin ont été pris en charge par l'hôpital de Strasbourg. Les 96 passagers sont indemnes. Attention aux bouchons si vous prenez la route ce week-end. La circulation sera extrêmement dense sur les principaux axes routiers. Bison Futé hisse le drapeau orange pour vendredi, rouge pour samedi, dans le sens des départs et sur tout le territoire. Un bateau fait naufrage au large de la Méditerranée. Oui, 41 personnes exilées, dont 3 enfants, sont actuellement disparues. Le bateau est parti de Sfax en Tunisie jeudi dernier. Plus de 1800 personnes ont disparu en mer depuis janvier, selon l'ONG SOS Méditerranée. Côté sport, le recrutement du Racing est désormais quasiment bouclé, sauf opportunité de marché ou départ d'un joueur majeur. Le Racing a recruté 7 joueurs pour 55,5 millions d'euros, du jamais vu dans l'histoire du club. Le dernier en date, l'attaquant Saïdou So, leur aura coûté 3,5 millions d'euros. Le Racing qui débutera son championnat de Ligue 1 dimanche soir face à Lyon. Si vous aimez ramasser du raisin, prendre le soleil dans les champs, suivre de près la production de vin tout en gagnant de l'argent, les vendanges sont peut-être faites pour vous. Et ça tombe bien parce qu'Alsace Vendange recherche justement de la main-d'œuvre. Pour postuler, ça se passe au 03 89 20 80 70. Et vous reconnaîtrez peut-être cette chanson. Sixto Rodriguez, alias Sugarman, est décédé à 81 ans. Le chanteur de folk et compositeur américain avait été redécouvert en 2013, juste après la sortie d'un documentaire sur sa vie qui avait été récompensé d'un Oscar. Colors to my dreams. Maxime, parle-nous du temps, parle-nous du beau temps et du soleil et du ciel bleu. Eh oui, on le voit hein, par la fenêtre, le soleil fait son retour. Alors c'est un retour partiel, c'est vrai, parce que c'est pas pour tout le monde. Il y a pas mal de nuages un peu partout en Alsace, c'est une météo quelque peu maussade, un peu grise, hein, le gris stagne un peu. Et parfois, voilà, pendant quelques minutes, un peu partout, comme ça en Alsace, on va avoir le droit à un ciel dégagé. Alors pour aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que ça annonce quand même relativement un temps assez calme, excepté un petit peu dans le Haut-Rhin, on pourrait avoir quelques averses d'ici ce soir. Partout ailleurs, eh bien voilà, le scénario, c'est nuages, grisailles et parfois un petit rayon de soleil. Pour demain, c'est la plaine d'Alsace qui va être couverte de nuages, mais par contre, ça va vite s'effacer pour laisser place, eh bien, à un large soleil qui va rester avec nous toute la journée. Et il n'y a même pas de risque de pluie. C'est une journée qui va rester quand même, eh bien, relativement agréable. Pour les températures, eh bien, elles remontent encore un petit peu, un petit degré par rapport à aujourd'hui. On monte comme ça, tranquillement, pour les prochains jours, avec pour Münster, Saverne, Étane, 24 degrés, Haguenau, Strasbourg, 25, Célestat, Colmar et Mulhouse, 26, et puis un beau 27 degrés, ça sera pour Saint-Louis. La météo 100% locale avec la confiserie des Hauts-de-Vosges, fabrication artisanale des bonbons des Vosges et visite guidée à plein fin. Et vos conditions de circulation tout de suite, on voit ça avec Christelle Le Sirac. Rebonjour Christelle. Oui, rebonjour. Bon, ça se complique un peu au sud, j'ai l'impression, non? Alors oui, effectivement, on a toujours cette parcelle-là au niveau des travaux qui est compliquée, où c'est toujours un petit peu chargé, enfin même un petit peu beaucoup. Malheureusement, il faut prendre son mal en patience quand vous êtes dans les secteurs des travaux. Mais sinon, sur tout le reste autoroutier, ben écoutez, ça se passe très bien. Sur la M351, vous roulez très bien, vous avez aucun ralentissement. Pareil, si vous venez du nord jusqu'à la sortie Bagarzé, ben juste avant les travaux, ça roule très bien aussi, ainsi que dans le sens inverse. Donc ce côté-là, c'est vraiment agréable. Par contre, oui, voilà, restez prudent si vous êtes au niveau du secteur des travaux, parce que ça engendrera un déboîtement de voie, du coup ça peut effectivement ça complique un petit peu les choses. Et puis en interurbain aussi, ça roule très bien, on n'a pas de ralentissement ni sur la nuit du Rhin, nous, même la route de Schirmeck est assez disponible. Donc voilà, une belle soirée, franchement c'est assez agréable, et vous avez de la place partout au niveau des parkings, donc restez juste prudent au niveau des travaux. Voilà, au secteur du sud. Ah oui, alors la route de Schirmeck qui est libre à cette heure-ci, c'est un miracle. C'est magique. Ah oui, c'est magique, c'est comme la route du Rhin, c'est vraiment, puis on a du soleil là sur les caméras, on voit. Donc c'est fluide, c'est agréable. Vraiment, voilà. Restez quand même toutefois prudent, parce que les soleils, ça peut éblouir C'est quand on prend la M351, non, qu'on peut être ébloui par le soleil, non? Oui, c'est ça, exactement, ouais. Effectivement. Oui, effectivement, vous avez aussi cette partie-là, mais bon, franchement, ça roule bien. Bon, bah c'est très bien. Merci Christelle, voilà. Qui nous fait aussi la météo. Merci. C'est très bien, on va vous embaucher. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir Christelle. C'est vrai que le soleil est beau. Hein. Allez, si vous voyez quelque chose d'anormal, vous nous appelez. Hein, si vous êtes témoin d'un accident, d'un ralentissement, 03 88 25 02 02. Dans un instant, alors on reste non pas dans le ciel, on va rester comme ça là sur la terre ferme avec les transports en commun. Parce que à partir d'aujourd'hui, il y a quelque chose d'assez étonnant qu'on vous propose de faire. C'est d'aller visiter les coulisses de la Solea, la société des transports publics mulhousiens. Je vous explique ça dans un petit instant, juste après Benabar. Voici 4 murs et un toit sur France Bleu Alsace. Un terrain vague de vagues clôtures, un couple qui vague sur la maison future. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants corrige la fin d'enceinte. Les travaux sont finis, du moins le gros off, ça sent le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Des ampoules à nu pendent des murs du plafond. Le bébé est né, il joue dans le salon. On ajoute à l'étage une chambre de plus. Un petit frère est prévu pour l'automne. Dans le jardin, les arbres aussi grandissent. On pourra y faire un jour une cabane. On pourra y faire un jour une cabane. Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant. On remplit sans se douter le grenier doucement. Le grand habite le garage pour être indépendant. La cabane, c'est dommage, est à l'abandon. Monsieur rêverait de creuser une cave à vin. Madame préférerait une deuxième salle de bain. Ce sera une deuxième salle de bain. Les enfants vont et viennent chargés de linge sale, ça devient un hôtel, la maison familiale. On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut et des chambres d'amis, les enfants sont partis. Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment, petit à petit et vêtement par vêtement, petit à petit et vêtement par vêtement. Ils habitent à Paris des apparts sans espace, alors qu'ici il y a trop de place. On va poser, tu sais, des stores électriques, c'est un peu laid, c'est vrai, mais c'est plus pratique. La maison somnole comme un chat fatigué, dans son ventre ronronne la machine à laver. Dans son ventre ronronne la machine à laver. Les petits enfants espérés apparaissent, dans le frigo on remet des glaces. La cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse, c'est le consulat que rouvrent les gosses. Le grenier sans bataille livre ses trésors, ses panoplies de cow-boys aux petits ambassadeurs qui colonisent pour la dernière fois la modeste terre promise, quatre murs et un toit. Cette maison est en vente, comme vous le savez, je me présente, agent immobilier. Je dois vous prévenir, si vous voulez l'acheter, je préfère vous le dire, cette maison est hantée. Ne soyez pas monsieur, n'ayez crainte madame, c'est hanté c'est vrai, mais de gentils fantômes, de monstres et de dragons, que les gamins savent voir, de pleurs et de bagarres, et de copieux 4 heures. Fini tes devoirs, il est trop lourd mon cartable, laisse tranquille ton frère, les enfants à table. Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Benabar, c'était 4 murs et un toit sur France Bleu Alsace. Et là aussi, 4 murs et un toit, c'est un atelier. Un atelier que vous allez pouvoir visiter. C'est une idée de sortie que je vous propose qui est assez originale. C'est à partir d'aujourd'hui, visiter les coulisses de la Solea. Vous savez, la compagnie de transport public mulhousienne, depuis quand même 130 ans. Hein. Et depuis les fameux omnibus, en passant par le traditionnel trolley, eh bien c'est aujourd'hui des tram-trains, des bus et des cars qui circulent à travers les 39 communes de Mulhouse. Mulhouse-Alsace agglomération, autrement dit M2A pour les intimes, et qui parcourt quand même chaque année plus de 6 millions de kilomètres et qui transporte à peu près 110 000 voyageurs chaque jour. Eh oui, c'est un gros réseau. Elio a fait une découverte aujourd'hui, notre apprenti animateur radio, Mulhouse, par la population, c'est donc la deuxième agglomération du Grand Est. Plus grande que Nancy. C'est franchement, moi quand j'ai lu ça, je suis tombé de ma chaise, j'étais par terre. Deuxième agglomération, c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte, hein, mais c'est une agglomération qui compte vraiment dans la région Grand Est. Eh oui, on a été même vérifié sur Eurostat, et c'est vrai, l'agglomération de Mulhouse, deuxième ville du Grand Est. Donc pour vous dire comme quoi il y a du monde. Et donc si vous voulez visiter les coulisses de Solea et découvrir notamment le centre d'exploitation, la maintenance, visiter aussi le poste de contrôle, les ateliers de maintenance, tout ça, vous avez un rendez-vous à retenir. Vous allez à l'accueil de Solea, c'est face au parc des expos, et ça va être comme ça donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 19 septembre. C'est 5 euros, c'est à partir de 12 ans, c'est 2,50 € pour les enfants de 8 à 12 ans et c'est 3 € pour les seniors en possession de la carte passe-temps, et c'est gratuit pour les enfants de moins de 8 ans. Et moi ça m'intéresse, je pense que beaucoup d'entre nous vont être curieux d'aller voir ça. Si vous voulez avoir plus d'infos, direction tourisme-mulhouse.com. Dans quelques instants, on continue notre tour d'Alsace avec la région de Colmar qui est à l'honneur, et qui dit Colmar dit vin. On va aller dans le domaine de Wunsch-Emann dans un instant pour aller faire une petite visite. Mais avant, c'est de la musique qui arrive avec dans la playlist Les Innocents. Voici Color, suivi juste après de Christophe Maé avec Le Pays des Merveilles. À tout de suite. Color, le monde, sans feutre, sans épreuve ni bombe. Hommes, car le temps colore la foule, colore. C'était Color sur France Bleu Alsace. Dans quelques minutes maintenant, on continue notre tour d'Alsace, direction la région de Colmar, pour un petit tour dans le vignoble. Mais vous allez voir, bien accompagné. Et oui, parce que accéder à l'intérieur des propriétés, c'est pas toujours facile. On va voir qu'on a une solution pour vous. Ça sera juste après Christophe Maé et Suzanne avec Pays des Merveilles, juste après cette petite page que nous a réservée Laurent Weisskopf. C'est terminé, retour à la Ligue 1 et on met le bleu de chauffe. Laurent Weisskopf. Et gros chantier, comme à la Méno, sur et en dehors de la pelouse. Rendez-vous ce dimanche 13 août, 20h45, coup d'envoi face à l'Olympique Lyonnais pour cette première de la Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Et évidemment, comme toujours, en intégralité, à vivre sur France Bleu Alsace. J'ai trouvé le pays des merveilles, chérie. Allons prendre l'air. Allons, allons sous le soleil, chérie. Allons prendre un verre. Ouais, la vie c'est comme un cocktail, chérie. Sucré et amer. Buvons la vie à la bouteille, chérie. Allons prendre l'air. Du côté du Cap Vert, du côté du Cap Rond, à écouter la mer, à écouter la monde. Y'a des voix là-bas qui voyagent. À la vie, à la vie, à César et à lumière sous le soleil, chérie. Au petit pays, aux couleurs de Brasa, Brasero Brasil, les fados, les playas de Brazzaville. Il y a des voix ici qui voyagent, chérie, et de l'amour dans leur langage. Christophe Maé, Suzanne, c'était Pays des Merveilles sur France Bleu Alsace. Et vous le savez donc, durant tout l'été, il reste encore quelques semaines puisque nous sommes le 9 août et dans quelques instants, on va donc continuer à découvrir notre région à l'honneur aujourd'hui. La région de Colmar, qui est magnifique, on le sait très bien et on ne peut pas ne pas parler de Colmar sans parler de son vin, de ses domaines viticoles. Et vous le savez, quand on va sur place, eh bien des fois on les frôle, on passe le long comme ça sur la route, on les voit les vignes. Mais on se dit, est-ce que j'ai le droit d'y aller? Est-ce que j'ai le droit d'y avoir accès? Eh bien justement, on va répondre à ça tout de suite avec un viticulteur qui propose des visites. Bonjour Thierry Mann. Oui, bonjour. Thierry, vous êtes gérant du domaine Wunsch et Mann et vous nous donnez donc rendez-vous en terroir connu. Ça, c'est le nom de cette sortie. Vous êtes du côté de Wettolsheim. Qu'est-ce que c'est que rendez-vous en terroir connu? En fait, c'est une animation que l'on propose avec tous les vignerons de notre village à Wettolsheim. En partenariat avec l'Office du tourisme de Colmar, hein, où on propose en fait aux touristes, comme aux locaux aussi d'ailleurs, de venir visiter en fait nos caves bien sûr, mais également en fait faire une promenade commentée en fait de nos vignes, hein, donc le Grand Cru Steingrubler et le Grand Cru Hengst, hein, qui entourent Wettolsheim, hein, pour leur présenter un petit peu les particularités du terroir et leur montrer un peu notre travail dans les vignes au quotidien. Alors un petit exemple là, si on vient avec vous en balade, on touche des choses, on les sent, comment ça se passe? Effectivement, en fait, on est vraiment en petit comité, donc on se promène directement dans les vignes, on peut nous poser toutes les questions sur les vignes, le terroir, la terre, on peut toucher la terre, on peut toucher les feuilles, les vignes, enfin, effectivement, on est vraiment au contact du réel, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous pose comme question habituellement? C'est quoi les curiosités? Alors c'est vrai que les gens ont quand même beaucoup de questions sur les vignes, donc et surtout que c'est souvent des questions qu'ils n'osent pas forcément poser ou simplement qu'ils ne connaissent pas quand ils sont juste tout seuls. Donc c'est vrai qu'ils nous posent des questions sur par exemple comment s'annonce la vendange à venir, est-ce que la récolte sera belle, quel est le travail actuellement que l'on fait dans les vignes en fonction de la période où on se trouve. Voilà un petit peu le type de questions qu'on nous pose. J'imagine qu'on a une petite dégustation, non? Oui, bien sûr. Et puis après la partie, on va dire, plus sportive, la balade, on remet tout ça un petit peu en pratique. Donc du coup, on va faire une petite dégustation en essayant de faire un petit focus justement sur les vins issus des terroirs qu'on a pu visiter ensemble les quelques minutes qui précédaient. Alors c'est une visite quand même qui est assez complète, hein. On est sur un 2 heures de visite, ça se termine sur la dégustation, on a appris plein de choses, on est quand même aussi en contact avec vous, hein, les professionnels directement, on peut poser toutes les questions, et ça nous permet aussi eh bien, d'aller dans les vignes, on les côtoie, on est juste à côté, parfois on n'ose pas trop y aller, et donc là c'est la porte ouverte directement. Je rappelle que c'est tous les jeudis, rendez-vous devant la mairie de Wettolsheim à 17h et c'est jusqu'au 1er septembre. Pour prendre les rendez-vous, c'est avec l'Office du tourisme de Colmar, tourisme-colmar.com. J'ai tout bon ? Exactement, tout bon, parfait. Merci. Super. Merci beaucoup Thierry Mann, gérant du domaine Wunsch et Mann à Wettolsheim. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur France Bleu Alsace. Merci, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Dans quelques instants, on refait le point sur vos conditions de circulation et ensuite on reste comme ça dans le maraîchage, on va mettre les mains dans la terre, cette fois-ci ça sera avec Jean-Michel Aubrecht qui va nous apprendre à cultiver, écoutez bien, l'oca du Pérou. Vous savez pas ce que c'est ? Moi non plus, on voit ça dans quelques instants. France Bleu Alsace, le point sur vos conditions de circulation dans un petit instant. Le club des Lève-Tôt sur France Bleu, au petit matin, un réveil souriant pour vous servir et vous informer. Salut les Lève-Tôt ! Thomas et Chéberi. Que vous soyez en vacances ou au boulot, quelle que soit votre raison de vous lever aussi tôt, France Bleu vous accompagne toujours. Toute l'actualité décryptée de manière sérieuse, mais pas trop, par la joyeuse bande du club des Lève-Tôt, bien évidemment. C'est très simple, c'est le meilleur des réveils matins. Le club des Lève-Tôt sur France Bleu, du lundi au vendredi, dès 5h. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. Chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Alsace, ici, on parle d'ici. Il est 18h30 sur France Bleu Alsace. On fait le point sur vos conditions de circulation. On commence avec l'agglomération strasbourgeoise. Vous le savez, il y a toujours les travaux au sud. Alors ça commence au niveau de Baguerzé lorsque vous voulez quitter Strasbourg en direction sud. Depuis Baguerzé, ça va être compliqué sur un bon kilomètre. On est quasiment là, pare-choc contre pare-choc. Et puis ensuite, ça va commencer à aller un petit peu mieux à partir de Geispolsheim. Dans l'autre sens, par contre, lorsque vous arrivez de Colmar en direction de Strasbourg, ça commence à ralentir au niveau de la sortie 7. Et à partir de la 7, eh ben ça va être compliqué jusqu'à la 6 à peu près, voilà, sur un petit kilomètre. Vous empruntez la M353, vous arrivez donc depuis Fegersheim en direction de la 35 pour aller récupérer la 35, c'est un peu compliqué jusqu'au rond-point, un bon ralentissement sur environ, allez, un petit kilomètre. Pour le reste, ça va relativement bien, la M351 ça va, la 4, la 35, on est bien, même au sud de Strasbourg, rien à dire. Les grands axes, la 35, depuis ou vers le nord ou vers le sud, aucun problème, tout va bien. Colmar, c'est fluide. Mulhouse, rien à dire. La traversée de Kingersheim, c'est les vacances, ça se voit, c'est vert, vert clair. Et puis le passage de la frontière, pour le moment, eh bien, écoutez, tout va bien dans les deux sens. Vous êtes eh bien alerte, vous voyez quelque chose d'anormal, vous nous appelez 03 88 25 02 02. Dans quelques instants, on va aller faire un tour dans le jardin avec Jean-Michel Aubrecht pour aller planter l'oca du Pérou. On va apprendre d'ailleurs ce que c'est en passant. Mais avant, c'est de la musique qui nous attend, n'est-ce pas, Elio ? Le groupe avec plus de 60 millions d'albums vendus depuis les années 70, ils nous viennent tout droit d'Écosse. On va tout de suite s'écouter Simple Minds, Alive and Kicking, tout de suite sur France Bleu Alsace. On est bien tous ensemble. Alors Elio, vous êtes un apprenti animateur, il restait 4 secondes. On y est presque. You turn me on. Simple Minds, Alive and Kicking sur France Bleu Alsace. Allez, on va au jardin tout de suite parce que lui, il est très mystérieux, peu connu. Pourtant, eh bien, il a des arômes très puissants, proches même de l'oseille, légèrement citronné. C'est Jean-Michel Obrecht, notre jardinier, qui nous explique aujourd'hui comment est cultivé, mais aussi découvrir l'oca du Pérou, Jean-Michel. L'oca du Pérou, comme la capucine tubéreuse dont on a déjà parlé, proviennent tous les deux du Pérou. À l'époque, ce tubercule a été introduit en Europe et en France pour, tout simplement, remplacer la pomme de terre qui a été décimée à cause du fameux Phytophthora. Malheureusement, ces légumes ne sont pas assez productifs et ont été abandonnés. Mais ils ont été remis à l'honneur par les chefs et aussi par les jardiniers amateurs de saveurs et d'exotisme. L'oca du Pérou fait partie de la famille de l'oxalis, c'est-à-dire du trèfle à quatre feuilles. C'est un tubercule allongé de 3 cm de diamètre. Sa couleur peut être blanche, orangée ou rouge foncé. Il se consomme sans éplucher et une fois cuit, il a une saveur de pomme de terre avec un petit goût d'oseille. On le trouve souvent sur les tables de fête pour accompagner les mets de fin d'année. Il contient de l'acide oxalique, il faut donc le consommer en petite quantité si vous avez des problèmes de goût. Concernant sa culture, l'oxalis est assez facile à réussir, mais il faut quand même suivre certains conseils. Il faut le mettre en pré-culture tout simplement en plaçant les tubercules dans des petits godets au mois de mars. Ces godets sont alors placés soit dans une serre froide ou au niveau de la fenêtre de votre maison. On va voir apparaître les petites feuilles de trèfle puis les tiges vont s'allonger. Au mois de mai, lorsque les gelées ne sont plus à craindre, on va tracer un sillon dans le sol de 10 cm de profondeur et planter ces godets, donc bien sûr ces plants, au fond de ces sillons, tout simplement parce qu'il faudra prévoir un butage par la suite au courant du mois d'août. L'oca du Pérou va donc tubériser en seconde partie d'année et il faudra donc, à partir de juillet, recouvrir ces tiges de terre. Pour cela, on va ramener la terre que l'on avait un petit peu mis de part et d'autre. Et on peut aussi rajouter du bon terreau frais sur les tiges et vraiment ne laisser que l'extrémité des feuilles. De cette manière, la plante va tubériser et former ses tubercules au fur et à mesure du développement. La récolte a lieu aux premières gelées. Dès que le feuillage est grillé, on commence à déterrer les tubercules. Pour les conserver, il faudra les mettre hors gel, mais aussi éviter qu'ils ne dessèchent. Tout simplement, placez-les dans un sac de terreau ou avec du sable. Les tubercules, pour être consommés, ne s'épluchent pas. On peut un peu gratter les surfaces noires si elles sont présentes. On les cuit tout simplement à l'eau et on les repoêle un petit peu au beurre pour les faire briller. Ils accompagnent à merveille les volailles, les poissons. Ce sont des mets de fête et vous les trouverez sûrement dans les magasins ou chez votre primeur en fin d'année. N'hésitez pas à essayer ce nouveau tubercule dans votre jardin, mais surtout suivez les conseils de bien enterrer les tiges, car de cette manière, vous aurez vraiment une récolte qui double et beaucoup de tubercules à récolter en automne. Bon, on en apprend des choses hein, grâce à vous, Jean-Michel Obrecht. L'oca du Pérou et plein d'autres plantations à réussir hein, ou à ne pas réussir. C'est à réécouter sur francebleu.fr Alsace ou encore sur l'application ICI. Dans quelques instants, on part en vacances, Marion, notre apprentie animatrice radio. Mais on part pas n'importe où, on part avec des stars. Exactement, Anduze, ça ne te dit peut-être rien. C'est une commune du nord de Montpellier. Mais ne comptez pas sur moi pour en être l'ambassadrice. Alexandra Lamy le fera beaucoup mieux dans Une Région, Une Star, présentée par Patrice Gascoin. C'est juste après Le Pouvoir des Fleurs sur France Bleu Alsace. Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs. Jasmin, lila, c'était nos divisions, nos soldats. Pour changer tout ça, changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses. Changer les femmes, changer les hommes avec des géraniums.

Night Fever, c'était les Bee Gees sur France Bleu Alsace. Allez, on continue de vous faire découvrir les bons plans, les animations, là où il faut être en Alsace. Voici l'agenda présenté par notre apprenti animateur radio, notre cher Elio. Bonjour Maxime, de nouveau, alors on s'est écouté un super morceau des Bee Gees, hein. C'était pas Stay in Alive, c'était bien Night Fever, hein. Excusez-moi encore. Alors où est-ce que vous nous emmenez chaque jour, hein, parce que vous le savez, vous allez nous donner quelques idées, mais là cette fois-ci, l'âme de fleuriste va naître en nous, c'est ça? Ou alors de jardinier. Souvent on dit, Maxime, dites-lui avec des fleurs pour pouvoir déclarer sa flamme ou annoncer quelque chose d'important à son ou sa dulcinée. Eh bien la personne qui a eu l'idée d'organiser le Corso Fleuri à Célesta avait vraiment, je pense, quelque chose à se faire pardonner. Chaque année, la ville organise sa parade très colorie et fleurie. Le principe, 12 chars ornés de dahlias, et non pas dalida, hein, comme j'ai pu le lire sur certains forums. Les dahlias, ce sont des plantes très appréciées des paysagistes, car il en existe de toutes les formes et de toutes les couleurs, parfait pour ajouter de l'éclat dans son jardin ou dans les espaces publics. Et à Célesta, je peux vous le dire, il les adore. Un nombre, juste histoire de se situer tous ensemble, plus de 400 000 dahlias sont utilisés à chaque édition pour orner les chars. 400 000, c'est-à-dire que si on représentait la population strasbourgeoise, ça ferait donc plus de 100 000 dahlias que de strasbourgeois, pour vous dire. C'est assez extraordinaire. On célèbre la 94e édition cette année. C'est plus vieux que mon grand-père, pour vous dire. Et cette année, le thème, c'est une jeunesse haute en couleurs. Ça va rappeler des souvenirs à tout le monde. Les chars ne seront pas tout seuls, en effet, parce que plus on est de fous, plus on rit. Et à Célestin, on l'a bien compris, il y aura des activités. Le folklore alsacien sera mis en avant avec un bal. Des animations pour les enfants seront aussi au programme pour qu'ils puissent eux aussi profiter de la fête. Alors si vous sentez l'âme d'un fleuriste ou tout simplement envie de vous baigner la rétine de couleurs, rendez-vous samedi 12 août à partir de 16h jusqu'à minuit pour les festivités qui se concluront par un feu d'artifice. On peut le dire, ça sera le bouquet final. Attention, l'accès au défilé est gratuit, sauf pour les tribunes assises. Pour plus d'informations sur les tarifs, rendez-vous au 03 88 58 87 20 ou sur le site corsofleuri.fr. Bien joué, très bien. J'en ai regardé quand même Dalida. Alors c'est vrai qu'à ne pas confondre avec les dahlias. Par contre, on a quand même un inventeur qui a inventé la rose Dalida. C'était à Aix-en-Provence. Voilà, c'était pour la petite info. Je pense qu'elle doit être tout aussi belle parce que Dalida, c'était bien une fleur. Bon, on continue en musique. Qu'est-ce qui nous attend dans la playlist France Bleu, mon cher Elio? Alors juste après, on se retrouve avec une chanson qui a marqué le début des années 2000, une chanteuse qui a absolument donc c'est marqué toute une génération. Je pense que si on en parle aux mères de famille, aux pères de famille, tout le monde la connaît. C'est une chanson qui a beaucoup marqué les esprits. On est bien ensemble sur France Bleu Alsace. On va s'écouter Moi Lolita d'Alizé tout de suite. Bravo. Moi je m'appelle Lolita, le ou bien Lola, du pareil au même. Moi je m'appelle Lolita, quand je rêve l'eau, c'est Lola qui saigne. Quand fourche ma langue, j'ai la phénomène. Je m'appelle Lolita, Lolita.